cœur léger, accroché au ciel. De vieux souvenirs se ramènent à l'heure où dansent mes rengaines sur la falaise du Cap Fréhel. Le vent fait courber les genêts, la mer déferle à satiété. J'ai pas croisé de croque-mitaine sur les falaises du Cap Fréhel. Le temps qu'il fait au paradis est le cadet de mes soucis. J'ai du temps à passer ici. Un peu fatigué de vos conneries, la piétaille vote, c'est là la vie. J'ai pas besoin de vos micelles sur les falaises du Cap Fréhel. Des corrigans de mes amis et quelques trolls de par ici se grattent le ventre en ribambelle sur les falaises du Cap Fréhel. Le temps qu'il fait au paradis est le cadet de mes soucis. J'ai du temps à passer ici. Petits couillons deviendront grands pourvu qu'on leur en laisse le temps. Démocratique, la loi des urnes, votez pour ceux qui vous cassent les burnes. Et va ma vie d'insoumission. Le chant des Landes nous appelle, le vent fredonne nos chansons sur les falaises du Cap Fréhel. Le temps qu'il fait au paradis est le cadet de mes soucis. J'ai du temps à passer ici. Le temps qu'il fait au paradis est le cadet de mes soucis. J'ai du temps à passer ici.